Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire des ouvriers et des ouvrières à l'occasion des 50 ans du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mouvement social, qu'on appelle communément chez les historiens du nom de son fondateur, le Métron. Après avoir évoqué le Paris ouvrier du 19e siècle lundi avec Maurizio Gribaudi, puis la condition des ouvrières du textile dans les années 70 et 60 également avec le documentaire de Séverine Yatar et Dan Fleury que vous pouvez d'ailleurs réécouter et télécharger comme toutes les autres émissions sur notre site franceculture.fr. Et avant demain de nous intéresser aux enquêtes ouvrières des 19e et 20e siècles, nous allons ce matin nous arrêter sur une énorme entreprise éditoriale et de recherche qui est le Métron. Comment est né il y a 50 ans cette collection, comment s'est-elle multipliée jusqu'à comprendre aujourd'hui plus de 70 volumes? C'est ce que nous verrons avec Séverine Yatar qui a préparé cette semaine avec nous, avec des textes qui seront lus par Rodolphe Congé et avec nos deux invités, Bernard Pudal, il est professeur à l'université de Nanterre en sciences politiques, et avec Claude Pentier, il est directeur du Métron et chercheur au CNRS. Bonjour Séverine Yatar, bonjour à vous Bernard Pudal, bonjour. Et bonjour à vous Claude Pentier. Bonjour. Alors s'il faut commencer cette histoire, il faut peut-être replonger plus loin que 50 ans en arrière, il faut remonter peut-être aux origines du mouvement ouvrier, à la façon dont les ouvriers et les ouvrières à un moment donné ont commencé à se raconter, qui étaient les oubliés de l'histoire généralement. C'est, comment cela se passe-t-il et quels sont les tout débuts peut-être au 19e siècle, Claude Pentier, de ces entreprises autobiographiques et peut-être aussi biographiques qui touchent justement ces militants du mouvement ouvrier? Oui, ces militants du mouvement ouvrier sont censés ne pas avoir d'histoire, ne pas avoir de généalogie, ne pas laisser de traces. Et pourtant, au 19e siècle, avec un goût de l'autodidaxie, avec la volonté de l'écriture, dans certains milieux urbains, on voit se multiplier des petits textes et notamment des récits autobiographique. Alors on connaît Martin Nadeau, maçon de la Creuse. Mais c'est plus de 100 autobiographies qui sont repérées. En réalité, on ne les connaît même pas toutes, puisque souvent, c'était des publications dans les journaux qui donnaient quelques articles de récits qui sont passionnants, qui sont à relever. On a l'impression d'ailleurs que cette pratique du récit ouvrier, qui est très forte au milieu du 19e siècle, disparaît un petit peu au début du 20e siècle. Mmh. Et on avait fait avec Bernard Pudal un inventaire des autobiographies ouvrières dans l'univers communiste. Et finalement, c'est les chefs, les dirigeants qui écrivent plus que cette autobiographie spontanée, ouvrière spontanée, comme celle qu'on connaît à la fin du 19e siècle. Alors il y en a quand même une qui est restée célèbre, enfin, ou rendue célèbre plus exactement, qui a ressurgi tout récemment dans un très beau livre de Michel Perrault, Mélancolie ouvrière, c'est celle de Lucie Beau. De Lucie Beau, alors on connaissait ce récit autobiographique, il avait été découvert, il avait été sans doute republié déjà dans le mouvement social dans les années 60-70, tout du moins des extraits, et puis il avait commencé à être travaillé par un historien amateur dans la région de l'Isère, et puis c'est vrai que Michel Perrault l'a remis, l'a exploré, et donc on a choisi un extrait voilà, de ce récit que Lucie Beau avait publié dans le mouvement socialiste, comme vous le disiez Claude Pentier, donc déjà dans un journal, en juin 1908. Il nous est lu cet extrait par Rodolphe Congé. Je suis entré comme apprenti chez messieurs Durand Frères au péage de Visil au commencement de 1883. J'avais 12 ans. Il y avait à cette époque dans l'usine environ 800 tisseuses. On y travaillait 12 heures et quelquefois 13 et 14 heures par jour. Les métiers battaient 80 coups à la minute. Les ouvrières étaient alors rares qui avaient à conduire deux métiers et à peine si quelques-unes faisaient rouler trois métiers à deux. On arrivait à gagner de 130 à 150 francs par mois. Quelques années plus tard, au début de 1888, je viens travailler à Visil, à la maison du Plan. Là, on gagnait un peu plus parce que le matériel y était perfectionné. Les métiers battaient 120 coups à la minute et les patrons soyeux engageaient le plus possible leurs ouvrières à conduire deux métiers à la fois. Dès lors, Chaque année apporta de nouvelles modifications mécaniques, de nouveaux métiers, de nouvelles transformations. Et avec chaque perfectionnement du matériel, c'était une nouvelle diminution de salaire. Cela dura jusqu'en 1902, où les ouvriers se réveillèrent enfin et s'organisèrent en syndicats, avec le concours de militants syndicalistes de la Bourse du Travail de Grenoble. Alors, ce furent des cris incessants du côté du patronat. Tous les procédés pour faire échouer nos efforts furent employés. Mais ils n'aboutirent à rien. En 1904, M. Duplan rapporta d'Amérique un système nouveau de blocs navettes, grâce auquel les métiers purent battre 290 à 300 coups à la minute. La conséquence fut qu'on voulut imposer une diminution de 60% du personnel. Une réunion eut lieu le 9 mars 1905, où les ouvrières, à l'unanimité, moins deux voix, décidèrent la grève. Le lendemain, nous en informâmes le directeur, qui téléphona à M. Duplan, installé à Cannes. Ce dernier répondit de continuer le travail encore 5 jours jusqu'à son arrivée et qu'il arrangerait les choses. Mais ce qui avait été décidé fut exécuté et nous cessâmes le travail. Nous n'avions pas voulu faire confiance à notre patron qui nous demandait d'attendre 5 jours comme s'il fallait 5 jours pour revenir de Cannes. De le récit autobiographique de Lucie Beau, paru dans le Mouvement Socialiste en juin 1908, lu par Rodolphe Congé. Alors, Bernard Pudal, vous en avez lu des dizaines, des centaines de ces récits autobiographiques, plus tardifs évidemment, surtout ceux des militants communistes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces récits autobiographiques qui sert à l'historien ou au spécialiste de sciences politiques que vous êtes? Qu'est-ce qu'on peut y puiser dans ces récits tels qu'ils ont été conçus par les militants eux-mêmes? Là, en l'occurrence, on voit bien qu'il y a une volonté à la fois de se raconter, de se justifier, de traiter aussi de qui est l'adversaire, de le nommer cet adversaire pour pouvoir justement dire où l'on se place dans ce mouvement social. Ils sont très divers et variés en même temps. Parce que... c'est un immense chantier là, dont vous parlez, parce qu'il faudrait d'abord distinguer des types d'autobiographie, des moments. Alors là, pour aller vite, on est en simplifiant, il y a les autobiographies qui sont, pour le cadre communiste, hein, je parle, il y a des autobiographies qui sont rédigées dans le cadre du fonctionnement partisan. Mmh. Alors ça, ce sont des autobiographies, par exemple, les premières, et qui sont intéressantes pour celles qu'on connaît, c'est dans le cadre de l'école de Bobigny, la première grande école de formation que vont devenir les cadres communistes, ouvriers, etc. Ensuite, il y a ce sur quoi nous travaillons depuis 20 ans avec Claude Pelletier, à savoir les autobiographies rédigées sur la base d'un questionnaire prescriptif dans le cadre de la vigilance du Parti communiste en train de se staliniser à partir du 1931. Mmh. Et nous travaillons, en ce qui nous concerne, sur 1500 de ces récits autobiographiques. Il faudrait pouvoir ici décrire en long et en large le questionnaire auquel ils doivent répondre, qui est un questionnaire dont beaucoup de sociologues rêveraient de pouvoir le faire passer à un certain nombre de leurs inquiétés. Tellement il est précis, bien sûr, sur les revenus, l'évolution des revenus, la profession de la mère, du père, etc., la profession de la conjointe, les relations avec les voisins, les connaissances des forces de police, les lectures faites, le rapport à la lecture, enfin, c'est un truc assez extraordinaire. Donc ça, ce sont des récits, d'ailleurs pas faciles analyser, on y reviendra peut-être tout à l'heure, par exemple avec le Cavassard, mais qui sont une mine considérable, à la fois pour comprendre le fonctionnement de l'appareil partisan en voie de stalinisation, parce que l'enjeu, c'est la vigilance, c'est-à-dire c'est de repérer la surveillance. Là-dedans, la surveillance, en partie, et aussi la promotion, la formation, etc. C'est un service de ressources humaines. On dirait ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez la culture de l'entreprise? On pourrait le dire comme ça. Et ça, c'est à partir des années 1900. Alors ça, c'est 1931. En France. Parce qu'en réalité, c'est une technique de... Alors là aussi, ça renvoie à d'autres problèmes, mais c'est une technique de gestion des communistes qui, dans les pays, et en particulier en Union soviétique, est aussi une technique qui permet là-bas, non pas de monter dans l'appareil partisan, mais de monter dans la société, de bénéficier de faveurs, d'être ou non membre du parti, d'être purgé éventuellement. Toute l'histoire du stalinisme, c'est une histoire de purge, etc. Alors ça, c'est un type d'autobiographie très intéressant. Mais en même temps, ces militants ouvriers se racontent là-dedans. C'est-à-dire qu'ils se saisissent de cette proposition. Il faut bien voir que c'est un questionnaire et c'est formidable. On n'est pas, c'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils répondent sur papier libre à côté. Et donc, ils ont la possibilité d'écrire plus ou moins longuement. Et donc, ça peut donner... Et ça donne des... Alors là, on est presque dans le récit autobiographique, parfois quasiment littéraire. Des récits de 40 pages, 50 pages, où ils expliquent, je sais pas, je vais donner un détail. Alors, il y a des militants qui expliquent qu'ils sont toujours en train de se promener avec deux livres dans ses poches de pantalon. Dans la poche droite, il y a le manifeste du Parti communiste. Et dans la poche gauche, il y a le Jésus de Barbus. Voilà. Donc, on a là des détails tout à fait intéressants sur leur rapport subjectif à l'engagement, à la croyance, au parti, etc. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Ce n'est pas un truc bureaucratique ou administratif uniquement, loin de là. Et donc, la troisième étape, et j'en aurais fini. Ensuite, c'est les ouvrages autobiographiques. Voilà. Et là, le patron initial, c'est 1937, c'est Fils du peuple de Maurice Thorez, évidemment. Et effectivement, ensuite, c'est ce que nous avons fait avec Claude Pelletier. On a fait tout un travail. On a pris toutes les autobiographies jusqu'en 2002, le moment où on a publié Autobiographie, Autocritique, Aveu chez Belin. On a pris toutes les autobiographies des communistes et on a essayé de comprendre leur évolution. Et là, on voit effectivement des processus tout simplement de désengagement par les militants au fur et à mesure qu'on se rapproche de la période actuelle. Et d'auto-justification de leur engagement, etc. Séverine Yatta. Juste pour préciser, quand même, Bernard Pudal et Claude Pelletier, cet accès au bio du parti, c'est ce qu'on appelait, je crois, le questionnaire enquêtiste. Vous y avait eu accès assez tardivement, puisqu'en fait, la plupart faisaient partie donc, du fonds. Elles étaient à Moscou, c'était le fonds Cominterne. Oui. Et donc, c'est au moment de l'ouverture des archives dans les années 90 que là, vous avez eu tout d'un coup un amoncellement de sources fabuleuses. Étaient évaluées en France par la commission des cadres et partaient à Moscou dans leur totalité, sauf celles qui étaient peu intéressantes et qui étaient simplement détruites quoi, à ce moment-là. Mais tout ce qui était intéressant partait là. On a eu accès à partir de l'ouverture des archives. Dès l'ouverture des archives, on a travaillé sur ces fonds. Mais qui dit mouvement ouvrier ne dit pas forcément Parti communiste. Donc ça veut dire, comment compare-t-on ce type de source? Donc vous l'avez bien raconté, Bernard Pudal, d'un parti en voie de stalinisation, avec les autres façons de se raconter des militants ouvriers, les anarchistes, les socialistes, je ne sais, enfin voilà, tous ceux qui étaient, les trotskistes qui n'étaient pas au Parti communiste, etc. etc. Claude Pelletier. Il est sûr que dans les questionnaires d'institution, on n'a pas l'équivalent au Parti socialiste ou chez les anarchistes. Par contre, on peut comparer les autobiographies rédigées, soit publiées, soit non publiées, parce qu'on les prend en compte aussi. Beaucoup de ces autobiographies sont restées chez les militants ou sont publiées très tardivement, sont publiées après le décès des militants. Et là, on a des récits autobiographiques d'anarchistes. Alors, on en cite quelques-uns dans le dictionnaire des anarchistes qui est paru récemment. C'était au début de cette année. Au début de cette année, oui. Donc, appartenant à cette collection du Métron, mais étant à part par rapport aux autres volumes du Métron, puisque c'est un volume spécifiquement dédié aux anarchistes. Et comme qui il y en a rencontré d'ailleurs un grand intérêt. Oui, comme il y en a pour les gaziers, c'est ça? Il y en a pour tout un tas de... Pour les gaziers, pour les cheminots. Voilà. On vient de publier un volume, Paul Boulan a publié un volume sur deuxième volume sur les gaziers électriciens, accompagné d'ailleurs d'images, parce que c'est ça aussi d'ailleurs aujourd'hui, faire la réflexion autobiographique, c'est filmer les militants, et il a fait filmer 25 militants pendant toute une journée chaque fois, donc on produit des archives. Des archives. On va en écouter d'ailleurs certaines de ces archives. Alors, pour passer de ce travail autobiographique au travail historien ou historique, Bernard Pudal, ça sert à quoi? Ça sert de base, de fondement, de matière à l'historien, à celui qui s'intéresse comme vous à la science politique? C'est quoi exactement ces autobiographies? Elles servent à quoi pour pouvoir transformer ça en matière historique? Ça sert à essayer de répondre à des grandes questions. Voilà. Y a un champ international qui s'est ouvert, qui s'appelle les Soviet Subjectivities, c'est-à-dire, grosso modo, on était quand même confronté à une situation en ce qui concerne les partis communistes, avec la culture du secret, etc., avec les pays communistes, avec le contrôle total des archives, des documents et compagnie. On était dans une situation, pour les historiens, où il était extrêmement difficile de comprendre le rapport subjectif que les gens entretenaient avec la société, le parti, l'école, les institutions. On se contentait etc. d'ailleurs de cette science qui a disparu aujourd'hui, qui était la criminologie. Mais c'est-à-dire bien sûr, on regardait de l'extérieur les promotions d'un tel, qui était premier secrétaire de la Fédération du Kazakhstan, qui montait à Moscou comme Zomol, etc. Alors, donc, imaginez ce que ça veut dire que l'ouverture des archives pour tous ceux qui pensent que désormais il va être possible d'accéder à ce que les historiens appellent les égo-documents, les journaux intimes, la correspondance qui était souvent saisie par la police, les autobiographies. Les autobiographies dont on, communistes dont on parlait tout à l'heure, on savait leur existence depuis très longtemps. Moi, j'ai trouvé dans ma thèse, pour ma thèse, il y a 30 ans, un bleu de police dans lequel l'officier de renseignement informait le ministère de l'Intérieur du questionnaire que les militants communistes devaient remplir. Mais on n'avait jamais vu les réponses. Donc, alors ça change beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a publié un bouquin qui s'appelle « Le sujet communiste ». C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement... C'est au presse universitaire de Rennes, ça vient de sortir sous vos deux signatures avec d'autres chercheurs, « Identité militante et laboratoire du moi ». Donc, rapport subjectif des individus. Deuxième chose, toutes ces autobiographies, etc., elles servent à comprendre et à mesurer l'extraordinaire diversité du monde communiste, des militants communistes. Et de ce mouvement ouvrier représenté par le Parti communiste. Je vais prendre un exemple anecdotique, mais je trouve très amusant, parce qu'un peu étonnant. On le voit dans les autobiographies de parti, il y a un certain nombre de militants qui expliquent qu'ils ont épousé, ce sont les mariages blancs. Alors quand ce sont des hommes, ils ont épousé, évidemment, des femmes qui souvent étaient des militants juifs d'Europe centrale qui étaient venus en France pour qu'elles puissent être nationalisées. Le mariage blanc, si... Nationalisé. Non, ça c'était une autre phase du mouvement communiste, c'était après-guerre. Ou des femmes. Alors c'est très intéressant, voilà, des pratiques au fond dont on ne sait à peu près rien et qui étaient très fréquentes pour les cadres militants que de pratiquer le mariage blanc entre camarades. Alors ça donne une petite idée. Et puis plein d'autres choses évidemment sur leur niveau de vie, leur relation. Sur la vie privée, la vie quotidienne, des choses plus sensibles. Absolument. Enfin, ça donne de la chair finalement à ces histoires. D'ouvriers ou tout militants. Tout à fait. Alors, on va justement prendre un exemple de ces récits de soi de certains militants. Là, c'est un syndicaliste, il s'appelle Fernand Bellugue. Et de l'autre côté, de la façon dont le Métron, on parlera ensuite de comment s'est instaurée cette institution qu'est le Métron, puisque c'est le cœur de notre émission d'aujourd'hui. Donc, comment le Métron raconte dans les notices biographiques, justement, cette vie de Fernand Bellugue. Tout de suite, Rodolphe Congé, premier élément, donc le récit de soi de Fernand Bellugue, syndicaliste de choc. Vous le présentez, l'un ou l'autre, Fernand Bellugue, Claude Pentier ? Oui, c'est un militant libertaire, hein, à l'origine, et qui ne renie pas ses convictions libertaires anciennes. Simplement, il les a fait... Parce qu'il n'y a pas de gêne dans le mouvement communiste pour dire qu'on a été libertaire, puisque c'était avant le bolchevisme. Et donc, ensuite, il devient un militant important du livre, du syndicat CGTU du livre, et il a un poids considérable dans ce milieu. Il est né en 1892, et Rodolphe Congé nous lit une partie de son autobiographie. J'ai commencé à travailler en sortant de l'école, soit à 13 ans. Mes pères et mères décédés. Mon père était tailleur. On toujours travaillait durement pour élever les 10 enfants que nous étions dans ma famille. Séparé depuis 7 ans de ma femme, ayant conservé à ma charge mes 2 enfants, son nom Georgette de son père Paul Gard, aujourd'hui décédé, a mené depuis une existence désordonnée, dont une liaison intime avec un militant qui fut actif en 1928 ou 1929 au syndicat des machinistes unitaires de Paris. Et en liaison avec des éléments de la minorité syndicale de cette période, et en relation continue avec l'ancienne dactylo des communaux de la Seine-Jeanne-Labouchaud, renvoyée du syndicat pour son attitude équivoque au point de vue de la trésorerie. Malgré son attitude immorale, mon ex-compagne avait à l'époque ses entrées au 120 rue Lafayette, sans jamais avoir été membre du PC, par le fait de relations amicales avec la dactylo germaine qui fut à Moscou durant plus de 2 ou 3 ans. Mes liaisons en dehors du parti ont été recherchées toujours dans le milieu syndical, où je n'ai jamais cessé de militer depuis 1911, même pendant la guerre, où, en 1915, soldat en uniforme, je présidais une assemblée générale de mon syndicat. Pendant laquelle période, avec les militants Marcel Verja et Aimé Rey, je poursuivis mon activité dans les jeunesses syndicalistes. Adhésion au parti en 1925, en avril, étant à Moscou, troisième mois de ma délégation au nom de la CGTU, au sein du bureau exécutif de l'Internationale syndicale rouge. Il m'est difficile d'énumérer ici tous les militants avec lesquels j'ai pu militer avant, pendant et après la guerre. J'en appelle au témoignage des camarades Gourdeau, Racamon, Richetta, etc. Je suis un primaire, n'étant resté qu'une année à l'école après mon certificat d'études. C'est mon désir de gagner ma vie et la situation familiale qui ont contribué à arrêter mes études. Je me suis pétri intellectuellement avant-guerre aux œuvres de tendance libertaire et scientifique. J'étais passionné de kropotkinisme et du bakouninisme, mais c'est surtout les études économiques et syndicales qui accaparèrent, même encore après la guerre, mon cerveau. J'aimais le regret que l'absorption dans mes fonctions syndicales ne m'ait pas donné tous les loisirs d'étudier sérieusement du marxisme et du léninisme, que j'ai davantage acquises par bribes ou dans la pratique du régime soviétique durant mes 3 voyages en URSS et mes 2 ans que j'y ai vécu. Je parle assez couramment la langue espagnole. Régulièrement lecteur des journaux, revues, etc., du mouvement syndical et du PC, j'ai collaboré par la plume à La Vie ouvrière et à la revue internationale syndicale rouge, 1928-1929. Selon le temps et les possibilités, je compulse les journaux adversaires et plus particulièrement Le Peuple et Le Populaire. Voilà donc ce qu'était une partie de l'autobiographie racontée par Fernand Bellugue soi-même, syndicaliste de choc né en 1892. Voici ce que donne la notice du dictionnaire Le Métron sur ce même Fernand Bellugue. Né le 18 ou 20 septembre 1892 à Saint-Sébastien, Espagne, mort le 29 septembre 1944 en déportation à Hartheim, Allemagne, d'ailleurs pour dame, syndicaliste révolutionnaire puis communiste, secrétaire de la fédération CGTU du textile vêtement. Son père, qui avait 10 enfants, était tailleur pour dame. Il fréquenta l'école primaire jusqu'à l'âge de 13 ans, ayant suivi une année supplémentaire après son CEP. Il parlait assez couramment l'espagnol. Il entra en apprentissage de mécanicien dentiste, puis fit de la représentation en papeterie et librairie avant de prendre du travail à domicile dans la confection pour dames où les salaires étaient bas. Pierre Bellugue commença à militer dans le mouvement syndical en 1911, devenant en 1912 le secrétaire officiel du comité d'entente des jeunesses syndicalistes et de 1912 à 1914 secrétaire adjoint, puis général, de la section syndicale des tailleurs et couturiers pour dames. Il fréquentait alors les milieux libertaires. Pétri des œuvres libertaires, scientifiques et économiques de Kropotkine et de Bakounine, autobiographie de décembre 1933. Dans des groupes d'études sociales, il s'intéressait alors au néo-malthusianisme, aux coopératives, à l'anti-alcoolisme et à l'incinération. Il organisa le premier syndicat de locataires dans le 15e arrondissement. Il travailla dans des maisons de couture, par exemple 15 mois chez Paquin, où il était, en 1912, le seul syndiqué sur 60 ouvriers. Il subit dès cette époque la répression, allant de contraventions pour défaut de timbre sur des affiches antimilitaristes à des perquisitions et arrestations, 8 au total, dont une de 25 heures à la santé en 1913. Alors voilà, c'est très intéressant de voir le rapport entre l'un et l'autre. On voit bien que vous citez l'autobiographie dans la notice du Métron, l'autobiographie de décembre 1933 qui vous a permis d'établir cette notice du Métron et que vous... rendez une notice de dictionnaire avec l'essentiel. Évidemment, il y a l'essentiel, il n'y a pas forcément tout ce que l'autobiographie elle-même, Bernard Pudal, raconte du personnage. Le style, tout simplement. Ces phrases nominales, cette façon de se présenter, des étant, des participes présents un peu partout, tout ça, ça dit quelque chose aussi. Ah ben, c'est pas la même nature de document, tout simplement. Dans un cas, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on risque d'approcher, c'est le rapport subjectif du militant à sa vie, etc. Dans l'autre, il s'agit de fabriquer des notices biographiques, mais Claude en parlera beaucoup mieux que moi, qui sont au principe de cette immense banque de données. C'est une banque de données qui doit servir à tout le monde. Oui, donc ça doit être un outil qui est utilisé par toutes sortes d'historiens. Comment ça vient à Jean Métron, l'idée, donc Claude Pentier, de commencer cette grande entreprise qui se continue encore aujourd'hui, puisque vous en êtes le directeur, donc il y a 50 ans. C'est quoi ça lui vient dans le contexte des années 50, parce que quand on dit il y a 50 ans, il avait travaillé 9 ans avant pour faire monter le projet. Dans les années 50, lui, il a terminé sa thèse sur le mouvement anarchiste et il veut faire rentrer l'histoire ouvrière à l'université, donc une revue, des archives, et puis sa passion des militants qu'il a rencontrés notamment par le syndicalisme révolutionnaire, et là on en avait un exemple de syndicaliste révolutionnaire rallié en 1925 seulement, ouais. Vous avez bien retenu, donc pas au Parti communiste. Au Parti communiste, pas tout de suite. Mais donc là, il a envie de faire ressurgir tout le peuple militant, et notamment, bon, c'est le contexte du culte de la personnalité, Maurice Thorez, etc., un certain désintérêt peut-être de l'histoire ouvrière côté socialiste, donc il veut faire ressurgir tous les courants, y compris oublié, et puis enraciné dans les régions, dans les professions, dans la diversité, donner place le plus largement possible aux obscurs et sans grade, c'était sa formule. Mais il y a aussi l'influence du courant d'historiographie anglaise qui, je pense, intervient. C'est-à-dire il y a Thomson, il y a Hobsbawm, Past and Present, qui commencent à s'intéresser à l'ouvrier réel. Donc effectivement, un ouvrier est plus proche du quotidien, de la vie militante, et l'ouvrier, une histoire par le bas. Et ça rejoint ce que vous dites, Claude Pensier, c'est-à-dire on veut s'intéresser pas seulement au cadre du parti, aux organisations, Non, mais l'historiographie anglaise, elle est simultanée. Voilà, mais non, mais à ce moment-là, dans les années 60. Il n'y a pas d'influence de l'un sur. Il n'y a pas d'influence. Après. Enfin, elle précède après, quand même l'historiographie anglaise. Non, mais après, ça se rejoint. Mais j'en vois pas de traces précises au moment où Jean Mettron conçoit son projet. Après, dans l'après 68, alors toute l'historiographie, l'histoire d'en bas, etc., permet la reconnaissance du travail qu'a fait Jean Mettron et la poursuite. Oui, ça veut dire que c'est un travail entamé dans les années 50. Un moment, effectivement, où le Parti communiste et puis même tous les partis de gauche sont importants dans ces années-là, entamé dans les années 50, qui se poursuit jusqu'à 1968 et qui continue encore ensuite, mais qui va, on pourrait dire presque d'une certaine façon, que cette longue durée va aussi épouser les différents aspects du rapport au monde social et au monde ouvrier que la société française va avoir entre les années 50 et aujourd'hui, Claude Pentier. Oui, tout à fait. Ce rebond, il est là. Puis un deuxième rebond avec l'informatique qui fait que le public, du coup, s'élargit. La question du public est importante aussi. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. En avant la classe ouvrière, la classe ouvrière. 9h33 sur France Culture, nous poursuivons notre débat dans notre semaine consacrée aux ouvriers et aux ouvrières, donc autour de ce dictionnaire biographique du Mettron. Je voyais opiner du chef à ce que disait Claude Pentier, c'est-à-dire cette naissance dans un moment, Bernard Pudal, où le Parti communiste est très fort, fait entre 25% des voix, où effectivement la question ouvrière, la question sociale est constamment posée, y compris à l'université, par des chercheurs comme Mettron qui veut l'imposer comme sujet universitaire, mais où les grandes thèses sur le mouvement ouvrier, Roland de Trempé et d'autres, se réalisent dans ces années-là. Oui, je dirais que le Mettron, on risque de donner, compte tenu de la manière dont l'émission s'est déroulée, on risque de donner le sentiment que nous travaillons essentiellement sur les communistes. Alors, mais non, il ne faut pas le dire, c'est ça qu'il ne faut pas dire. Donc, il se trouve qu'avec Claude, comme nous avons bénéficié de ces autobiographies de Moscou, et que ça ouvre un champ énorme, mais le Mettron, c'est bien au-delà. Alors je vais prendre le dernier Mettron. Vous avez signalé au début, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mouvement social. Moi, je suis professeur, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis à mes étudiants, si vous travaillez sur les années 50, 60, 68, les événements de 68, les biographies sont actuellement dans le nouveau Mettron, avec des biographies auxquelles sont associées les sources et les ouvrages nécessaires à la lecture. Autrement, et là, par exemple, tout à l'heure, je rectifie un tout petit peu l'image du Mettron qui risque de sortir. Oui, vous avez tout à fait raison. Hein, et là, par exemple, il n'y a pas que des ouvriers. Vous avez une notice tout à fait remarquable sur Pierre Bourdieu, sur Axel Roth, sur Castoriadis, sur Alain Krivine, sur Daniel Cohn-Bendit, etc., etc. C'est toute l'histoire. Sur Antoine Prost. C'est toute l'histoire. Les historiens et compagnie. Donc, c'est de ce point de vue-là, je ne savais pas que j'étais là pour défendre le Mettron, je croyais que c'était le directeur qui allait le faire, mais peut-être que justement, c'est plus facile pour moi, parce que moi je ne suis pas du tout un des acteurs du Mettron, même si j'ai écrit aussi quelques notices. C'est vraiment un outil tout à fait considérable. Le point de départ du Mettron, je relisais ça ce matin, je trouve ça assez amusant. Mettron dit, je crois, dans l'avant-propos du premier volume, il dit « Je ne cesse de recevoir des lettres de correspondants historiens qui me demandent des renseignements sur tel ou tel militant, on est en 1955. Autrement dit, c'est tout le développement de l'histoire sociale, effectivement, ouvrière, par en bas, qui est en train de se mettre progressivement en place, et dont le Mettron, en tant que fournisseur de données biographiques, va être un des éléments constitutifs. Donc le Mettron, c'est pas le Mettron, c'est toute l'histoire sociale. C'est vrai, il faut préciser, parce qu'on n'a pas fait une notice de Mettron, elle se présente toujours un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a le nom du biographier, enfin, de celui dont on fait la notice. Il y a un chapeau qui présente brièvement ses dates et puis ses fonctions. Oui, et puis en fin de notice, il y a quand même un paragraphe source qui peut être très important et qui concerne alors soit justement les... on cite ces fameuses autobiographies, si dans le cas où il y en a, les dépouillements dans les archives départementales, aux archives nationales, s'il s'agit d'un enseignant, je ne sais pas, une série, par exemple, F-17 Éducation nationale, enfin, voilà. Et ça, c'est un outil formidable. Mm-hmm. Et c'est un outil formidable parce qu'il y a des correspondants, il y a des auteurs très nombreux. 1300 personnes ont signé une biographie dans le... Et en région, tout un réseau organisé. Et puis des réseaux régionaux ou des réseaux professionnels. Et donc, des gens qui connaissent les sources dans la proximité, ce qui serait inabordable pour un petit groupe de chercheurs à Paris. Mais moi, ce qui m'étonne, et ce qui est toujours fabuleux quand on ouvre un ouvrage du Métron, il faut dire, il y en a quoi, 60, plus de 70, c'est ça aujourd'hui, bah, 64. Il y en a 73 volumes et CD-ROM existants, quoi. Ouais. Ça veut dire 54 volumes français, 10 volumes internationaux, et puis ensuite d'autres volumes spécialisés. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les anarchistes, gaziers électriciens, etc. Mais c'est comment une entreprise comme celle-ci a pu perdurer? C'est-à-dire qu'il y a une question toute simple, c'est évidemment cet intérêt pour le mouvement social, pour le mouvement ouvrier, il était très fort dans les années 60, encore très fort dans les années 70, peut-être encore un peu moins fort dans les années 80, puis après, évidemment, le Parti communiste étant devenu ce qu'il est aujourd'hui, ces questions sont devenues plus éclatées, peut-être l'intérêt universitaire pour le monde ouvrier et le monde social était-il un peu émoussé, et pourtant, vous avez réussi à continuer. Oui, et puis même, au contraire, à prendre de l'extension, de publier plus, de créer un site internet qui relie les 150 000 biographies. C'est le plus grand dictionnaire biographique en langue française. Et on est assez à l'aise en termes de publication. Il y a un public qui s'est maintenu, qui est un public moitié de militants, de curieux, de gens passionnés, et puis pour moitié, bien sûr, les bibliothèques, les lieux de conservation. Et après, bon, le fait qu'il y ait une version, alors plus seulement uniquement papier, mais une version qui peut être modifiée aussi facilement, c'est-à-dire la version évidemment sur Internet, ça c'est fabuleux pour vous, j'imagine. Et puis là, ça veut dire que les familles, à partir de là, voient sur Google les noms, nous contactent, on leur fournit les biographies, on rentre dans un dialogue, éventuellement on ajoute des archives supplémentaires. Enfin. Pour vous dire, c'est une centaine de messages par semaine de gens qui demandent, soit pour des universitaires, soit pour des raisons personnelles, d'accéder. Alors, prenons un autre extrait, une autre façon de faire. Il y a dans les archives du Métron des archives sonores, et vous l'avez dit, Claude Pentier, audiovisuel. On prend l'exemple de Maurice Sauvé, une notice du Métron que vous avez écrite vous-même. Qui était ce Maurice Sauvé? Qui est ce Maurice Sauvé? Quand on l'a interviewé, il était très vieux, il avait déjà 95 ans, et c'était un cheminot. Et alors là, j'aime mieux qu'on entende l'archive, je dirais après qui il est. Ouais, on écoute l'archive, la lecture de la biographie, une partie de la notice que vous avez rédigée pour le Métron, et puis on commentera ensuite. J'ai toujours considéré qu'il n'existait qu'un prolétariat. Il y a des salariés non nantis. Et il y a des gens de la bourgeoisie ou de certaines classes nantis. Il y a une classe nettement définie, c'est la classe des prolétaires. C'est celle qui est à l'ouvrage, qui d'un bout à l'autre a pâti au cours des siècles. Hein. Et de ce fait, puisqu'il n'y a qu'un prolétariat, il y a place pour un parti politique de la classe ouvrière, une organisation syndicale de la classe ouvrière, une coopérative pour la classe ouvrière. Né le 29 juillet 1897 à Orléans, Loiret, mort le 4 octobre 1995 à Châtillon-sur-Seine, Côte d'Or, cheminot, mineur dessinateur, syndicaliste CGT, puis FO et militant socialiste, conseiller municipal de Choisy-le-Roi, Seine-Val-de-Marne et de Villeneuve-le-Roi, Seine-et-Oise, Val-de-Marne. À la Libération, Maurice Sauvé fut membre du comité d'épuration de la fédération CGT des cheminots. Il retrouva son siège de conseiller municipal à Villeneuve-le-Roi. Il fut candidat à la Constituante en octobre 1945 dans la deuxième circonscription de Seine-et-Oise et aux élections du Conseil de la République en 1946. Secrétaire de la section socialiste locale, membre de la commission exécutive de la fédération SFIO de Seine-et-Oise, il allait être constamment réélu de 1947 à 1965, acceptant les fonctions d'adjoint de 1953 à 1965. En 1947, il était secrétaire du groupe socialiste d'entreprise, GSE, du service central Traction. L'un de ces groupements destinés à propager l'action du Parti socialiste, SFIO, à l'intérieur des entreprises. Il avait été aussi, de 1931 à 1940, membre de la Ligue des droits de l'homme, LDH, de la Libre Pensée et de la Ligue de l'enseignement, de 1936 à 1940, secrétaire du Cercle des coopérateurs de Villeneuve-le-Roi, avait appartenu à l'Association républicaine des anciens combattants, ARAC, puis à la Fédération ouvrière et paysanne des anciens combattants, FOP, et enfin à la Fédération nationale des combattants républicains, FNSCR, quand la FOP disparut. Maurice Sauvé démissionna du Parti socialiste en 1991. Passionné par l'histoire, il fut un témoin précieux pour les chercheurs jusqu'en 1993. Il quitta ensuite Paris et mourut en 1995 à 97 ans. Maurice Sauvé s'était marié en 1922 avec Anne Guigues et n'eut pas d'enfant. Claude Pelletier, donc, vous qui avez écrit cette notice. Alors Maurice Sauvé, il était abonné au Métron. Et il nous fournissait à chaque volume du Métron, il nous envoyait des lettres, c'est pour ça qu'on le connaissait bien, il nous apportait des compléments. Il avait une mémoire familiale qui remontait au milieu du 19e siècle. Son père avait été un syndicaliste cheminot, ses frères aussi. Et alors quand on l'entend, on se dit, bah, c'est peut-être le moule communiste. Pas du tout, c'est le vieux moule guédiste, socialiste. Ouais, la question du prolétariat, la classe des prolétaires. Un seul prolétariat. Donc il portait ça avec beaucoup de force. Et on pourrait ajouter qu'au moment où il quitte le Parti socialiste, c'est le jour où sa réunion de section socialiste dans le 13e arrondissement se tient dans un lieu religieux. En 1991. En 91. Et là, ça... L'anticléricalisme, l'anticléricisme. Il a beaucoup de choses, mais des réunions dans les lieux de la paroisse du 13e ne lui conviennent pas. C'est vrai, et ces interviews, alors maintenant, vous dites même, ces interviews filmées, elles se font de manière systématique, non, justement en région, enfin, ou pas. Non, enfin, comment vous faites une sélection, ça dépend des auteurs. On n'en a pas les moyens, donc là, on en fait au fur et à mesure, aux occasions, de façon systématique pour les gaziers électriciens, parce que la CCAS nous l'a permis, ils ont un système audiovisuel qui permet de travailler. Paul Boulan a suivi ça. Paul Boulan, qui est associé à la direction du Métron et qui ne peut pas être là parce qu'il est au Brésil pour parler du dictionnaire. C'est pour vous souligner la dimension internationale. Donc, on en fait trop peu, malheureusement, mais c'est notre intention de démultiplier cette approche. Bernard Pudal, je disais tout à l'heure, ça n'est pas la même chose que de travailler sur le mouvement ouvrier en 55, en 75 et en 95 et en 2014, j'imagine. C'est pour ça que ce que vous disiez tout à l'heure sur l'évolution, c'est-à-dire traiter à la fois mouvement ouvrier et mouvement social, c'est une évolution qui correspond aussi aux évolutions sociales et du regard porté par la société sur ces mouvements. Ça, là encore, c'est un immense chantier. Il y aurait tout un travail à faire sur l'histoire du Métron. Il faudrait faire l'histoire du Métron. Non, mais c'est pas secondaire. Oui, bien sûr. Je prends un simple exemple. Vous avez rappelé tout à l'heure que Bélugue, par exemple, il dit dans son autobiographie qu'il est allé à l'école jusqu'à 13 ans, plus un an. Bon, alors ça prouve la tension aujourd'hui dans les notices à la scolarité de ces militants. Mmh. Être allé à l'école aujourd'hui jusqu'à 14 ans, ça peut nous apparaître très peu. Mmh. À l'époque où Bélugue existe, c'est énorme. Il fait partie des 10% des Français les plus cultivés. Mmh. Donc ça ouvre, voilà, les notices évoluent aussi en fonction des questions que les chercheurs se posent sur, par exemple, les logiques du militantisme, etc. Donc il y a une dimension. Deuxième dimension, je crois, c'est pas à moi de le dire, mais le Métron évolue aussi en fonction de la connaissance et de la compréhension que l'on a de l'histoire sociale française. Mmh. Hein, effectivement, pendant tout un temps, on mettait beaucoup l'accent sur les partis politiques, mmh. les grandes organisations syndicales. Il y a maintenant tout un intérêt sur plein de choses. Les mutuelles, mais évidemment, le mouvement associatif, les mutuelles, des organisations qui sont relativement secondaires, etc. Je vais prendre qu'un autre exemple. Il y a une notice que j'ai faite, d'ailleurs, donc je suis content de l'avoir faite, de Jean Cavaillès, qui n'est pas spontanément associé. Intellectuel fusillé par les Allemands pendant grand résistant, et qui n'est pas spontanément associé au mouvement ouvrier, mais qui, d'un certain point de vue, à la frontière, a tout à fait sa place dans le cadre d'une histoire sociale et culturelle à faire. Alors le Métron s'est aussi questionné sur la question du genre, hein, et ça, ça participe aussi à une évolution de, évidemment, du milieu historiographique, c'est-à-dire que, bien sûr, on s'est questionné sur le fait qu'il y avait peu de femmes, et on se questionne aussi sur leur place, leur position, leur reconnaissance dans le mouvement ouvrier. Et vous avez d'ailleurs écrit, tous les deux, Claude Pétier et Bernard Pudal, un article, hein, dans le sujet communiste sur cette question des femmes ouais, et des militantes. Pétier. Oui, parce que bien sûr, on est très attentif aux biographies de femmes, on pousse plus loin la sélection que pour les hommes pour en avoir le plus grand nombre. On est notamment attentif à des personnalités exceptionnelles, parce que le nombre est peut-être... Le nombre, il est considérable, parce que c'est la plus grande base de femmes, d'ailleurs, existante. Mais la proportion est de 7%, hein, dans l'ensemble des biographies. Mais... Par contre, sur des corpus précis, alors c'est le cas des femmes dans le Parti communiste, on a fait là un travail approfondi en étudiant particulièrement les autobiographies de femmes, comment elles se situent. Et puis on voit la disparition dans les organes de direction, la disparition d'une génération dans les années 20, jusqu'à tomber à zéro femme dans le comité central en 1937. Donc on essaie d'analyser les raisons avec Bernard Pudal. Alors il y a une femme dont vous avez fourni un enregistrement. Je n'ai que son nom, Mateline, c'est ça ? Vous savez quel est son prénom ? Ou c'est quoi ? Vous ne savez pas, Claude Pentier ? Je n'ai pas pris la fiche, parce que parmi les 150 000 fiches que vous avez de militants et de militantes, effectivement, on l'écoute, elle parle de son père, justement, et de la façon dont, dans cet entretien... C'est un entretien qui a été fait par Nathalie Viette de Paul, voilà. Dans le cadre de l'équipe du Métron. On l'écoute. J'ai perdu mon père, je n'avais pas 4 ans. Il est mort de la grippe espagnole. Et on parlait de mon père dans la famille. Il était ajusteur-outilleur. Et il était parmi les plus qualifiés de sa profession. Et il professait des idées libertaires. Et il était probablement anarcho-syndicaliste. D'ailleurs, il voulait se faire respecter, contrairement à ce qui se faisait habituellement. C'est-à-dire que les ouvriers partaient en bleu de travail, un bleu de travail propre pour aller au travail, un bleu de travail pour le travail. Lui partait travailler en costume, chemise blanche et cravate, ce qui était extraordinaire pour l'époque. Mais ça l'amenait à revendiquer sur place, parce qu'il n'y avait pas naturellement d'endroit pour se dévêtir, souvent. Et il réclamait des vestiaires, ce qui était déjà une lutte importante à ce moment-là. Donc, on parlait de mon père dans la famille, et ma mère avait été très impressionnée par les idées de liberté qu'il professait. Et elle-même, d'ailleurs, avait l'esprit très très libre, et elle a toujours voulu se faire respecter comme femme, sans être sous la coupe d'un mari, qui avait tous les droits, naturellement, par les lois à l'époque. Il faut savoir, entre parenthèses, que les femmes n'ont eu le droit d'adhérer à un syndicat de par elles-mêmes, sans autorisation maritale, qu'en 1920. Voilà un extrait d'un entretien donné pour justement la préparation d'une notice du Métron. On s'aperçoit tout de même, Bernard Pudal et Claude Pentier, que c'est un peu comme l'histoire des femmes, telle que le racontait Michel Perrault, à savoir, on pensait qu'elles n'étaient pas dans l'histoire, parce qu'on n'avait pas cherché de source, et on découvre pour ce mouvement ouvrier des milliers, des centaines de milliers d'archives potentielles. Il suffit simplement de porter le regard sur elles pour que ça devienne effectivement des archives utilisables par les historiens ou les spécialistes de sciences politiques, Bernard Pudal. Je peux répondre que oui, je pense que c'est vraiment le regard des chercheurs qui s'est considérablement modifié. Qui crée les archives, qui les redécouvre ou qui du coup les exploite. C'est le cas des archives liées à la correspondance amoureuse entre Sylly Gensenberg-Vassar et Albert Vassar. Et on les connaît depuis longtemps, Puisque vous les évoquez, un extrait de cette correspondance entre Albert Vassar et Sylly Gensenberg, C'est donc un extrait de 1929, va nous être lu par Rodolphe Congé. Il faut peut-être dire à nos auditeurs qui sont cet Albert Vassar et cette Sissi Gesenberg, justement Bernard Pudal ou Claude Pelletier. Albert Vassar est un dirigeant important, membre du bureau politique du PCF, et quelqu'un qui a participé d'ailleurs à la mise en place des collectes biographiques, qui trouve du plaisir à lire les biographies des militants. Mais c'est quelqu'un qui garde toujours un petit quant à soi qui peut être critique par rapport aux évolutions du parti. Et donc, il a rencontré Sylvie à Moscou. Elle vit à Berlin. Lui, il est à Paris. Et leur correspondance ne peut être qu'amoureuse et politique. Mmh. Et notamment avec une liberté de parole. Lettre du 27 novembre 1929 d'Albert Vassar à Sylvie Gesenberg. Moi aussi, je suis en train de glisser sur une mauvaise pente. Pas en ce qui concerne mes sentiments pour toi, car je t'aime oralement et je te désire physiquement plus complètement encore qu'à aucune autre époque de notre relation. Mais politiquement, et je peux même dire moralement, je sens se développer en moi des idées qui me paraissent vraiment dangereuses. J'ai souvent l'impression de ne plus voir et sentir les événements ou les individus de la même façon qu'il y a quelques années. Souvent, je ne sens plus en moi cet esprit de révolte qui me poussait en avant, qui me soutenait dans les moments difficiles de la vie militante. Je suis en train de devenir un suiveur politique, alors que jusqu'à présent, j'ai été un animateur. Quelquefois, trop souvent, l'envie me prend de tout laisser, pour retrouver une liberté de penser et d'agir que j'ai perdue et dont j'ai vraiment un grand besoin. De plus en plus fréquemment, je me sens étranger dans certaines discussions. Je n'ai même plus le goût pour travailler, pour étudier, pour discuter, etc. Pourtant, ce n'est pas le moment d'avoir une défaillance, car nous sommes bien peu nombreux pour défendre le mouvement révolutionnaire en France. Si nous étions en période normale, si le parti était moins pauvre en militants, si nous n'étions pas attaqués avec une telle violence à l'intérieur et à l'extérieur par nos adversaires, j'aurais déjà demandé au parti d'être remplacé. Voilà pour cette lettre d'Albert Vassar à Sylvie Gesenberg qui vit à Berlin en 1929, une période un peu particulière. C'est vrai que le Parti communiste oui. est groupusculaire à cette époque-là, dans Tout les années 20. Non, là, c'est 700 lettres. 700 lettres qu'ils échangent, où il y a deux questions fondamentales. La question de la construction du couple, est à égalité, c'est-à-dire que tous les deux contribuent, ils théorisent, enfin ils formulent, ils explicitent l'idée qu'il faut qu'ils correspondent à égalité. Ce ne doit pas être que lui qui pose les questions, ça ne doit pas être qu'elle qui ne fait que répondre, elle doit, etc. Donc il y a une théorie du couple qui se construit, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est tout à fait étonnant. Une liberté de parole incroyable pour l'image qu'on a des militants communistes. Par exemple, elle lui parle de ses avortements. Mmh. Elle lui dit que le médecin communiste allemand qui l'a fait avorter, l'engueuler, non pas parce qu'elle a avorté, pas du tout, mais parce qu'elle a avorté trop tôt la seconde fois par rapport à la première, etc. Le prix que ça a coûté, les rapports. Bon, là, on rentre dans la vie quotidienne. Donc, cette dimension-là, et deuxième dimension de cette correspondance, tout à fait. Alors, ça, j'insiste beaucoup parce que ça, c'est nouveau, à mon avis. Ça casse les représentations qui se sont progressivement sédimentées sur le monde communiste, puisqu'il s'agit de celui-là, mais qui, à mon avis, est vrai pour beaucoup d'autres mondes. Le deuxième élément, c'est qu'on voit cet homme en train de douter. Et il est travaillé par la question du doute politique qui est en train de le submerger progressivement en se demandant c'est pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Mmh. Et il en parle. Donc là, on a une scène de conflit intérieur qui est, ça c'est à mon avis unique. Enfin, j'ai jamais vu c'est ça. Et justement, face à une telle source, Bernard Pudal, est-ce que parfois l'historien n'est pas dépassé par autant d'éléments, par autant d'entrecroisements entre la vie privée, politique, le doute. Enfin, on a là, effectivement, on a affaire à... Oui, enfin, un cas d'étude, mais au-delà, méthodologique aussi. On le met dans le texte. Hein. C'est vrai que, dans une certaine mesure, en ce qui me concerne, je pense aussi en ce qui concerne Claude, on s'est laissé emporter par la source. Mais après tout, dans la mesure où ces sources cassent des représentations qui sont des représentations qu'il faut interroger, et en particulier la représentation des militants ouvriers sans culture. Hein, lui, il est un militant ouvrier sans doute, des militants ouvriers incapables de se poser des questions politiques, etc. Des militants ouvriers étant évidemment dans les couples des dominateurs, alors que je parlais tout à l'heure du mariage blanc, etc. etc. Je pense là que tous ces nouveaux matériaux qui, associés effectivement à des enquêtes socio-biographiques qui utilisent les données biographiques, ces banques de données qui sont les notices, associées donc à tout ça, ça permet à la fois de faire du travail scientifique quantitatif et aussi du travail qualitatif. C'est l'enjeu. Et puis, il ne faut pas le cacher, on va peut-être terminer là-dessus, il y a du plaisir à rentrer dans les vies de ces gens-là. Ah oui. Dans ces centaines de milliers, de milliers de vies, en l'occurrence... C'est pour ça qu'on entraîne beaucoup d'auteurs, qu'on entraîne aussi un public, qu'on a la chance d'ailleurs d'être accompagné par le même éditeur depuis le début de la publication. Les éditions d'atelier. Qui sont les éditions de l'atelier. Et donc, cette continuité fonctionne, marche. Mais moi, comme chercheur, par exemple, je trouve vraiment... Il y a un petit côté démiurgique aussi, d'une certaine façon. Vous êtes sur votre Olympe et vous regardez le mouvement ouvrier se développer depuis 150 ans et regardez avec sympathie, avec un regard critique en même temps. Et puis le sentiment de fournir une œuvre qui est un petit peu, si on veut, une œuvre, oui, et puis identitaire de ce milieu ouvrier et social. C'est la meilleure représentation. C'est vrai. Et puis un dictionnaire quand même qui s'intéresse aussi à des personnes encore vivantes. Alors ça aussi, ça pose des évidemment des problématiques. On n'est pas gêné par rapport à ça. Parce que la plupart des dictionnaires internationaux ne traitent pas des personnes vivantes. On le fait et ça fonctionne très bien. On n'a pas de difficultés. C'est Rinata qui présente a commis la notice sur Michel Perrault. Michel Perrault, une excellente notice sur Michel Perrault. Donc oui, donc ça ne gêne pas. C'est-à-dire quand ils relisent leur notice, les intéressés ne disent rien. Il y a une collaboration. On rentre dans un dialogue avec eux. Mais quand ça concerne le monde populaire, il n'y a pas d'enjeu biographique. Donc le dialogue se fait très facilement. Quand on s'intéresse aux intellectuels, il y a un enjeu biographique. Aux intellectuels, à toute personne de pouvoir. Et dans ce cas-là, des fois, la discussion peut être un peu plus complexe. Mais en gros, on maîtrise bien tout ça. On aime, y compris, cette négociation. Alors, il faut dire que la semaine prochaine, le 3 décembre, il y a toute une journée d'études, un programme autour de ces 50 ans du Métron. Il faut l'annoncer. Donc, au siège du CNRS. C'est ouvert à ceux qui le souhaitent. Il suffit qu'ils s'inscrivent. De nous contacter sur info@metron.org. MITRON.org, info@metron.org. Et donc, vous pouvez vous inscrire pour cette journée donc, qui durera donc, toute la journée du mercredi 3 décembre. Il y aura des interventions de vous-même, Claude Pentier, Thomas Fontaine, Michel Cordillot, Paul Boulan, dont on a cité le nom, vous-même, Bernard Pudal, en début d'après-midi, etc., etc. C'est toute la journée. Il y aura également notre ami Pascal Horry qui sera présent pour évoquer cette question du métron. Il y aura même Emmanuel Laurentin en fin d'après-midi. Et là, c'est important, il faut le souligner. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marivonne Bolivier et Aurélie Marcet. Alexandre Dang était à la technique, Anne Fleury à la réalisation et les lectures étaient accomplies aujourd'hui par Rodolphe Congé. Voilà, on vous a donné rendez-vous pour le mercredi 3 décembre. Mais avant le 3 décembre, il faut que j'annonce également à tous nos auditeurs qui vivraient du côté de Marseille que nous nous verrons s'ils sont là à Marseille pour les rencontres d'Averroès qui seront ensuite diffusées dans la Fabrique de l'Histoire. C'est vendredi et samedi prochain. Le programme est sur le site de France Culture si vous voulez le voir. Vendredi soir, nous avons une conférence inaugurale avec Jean-Christophe Victor et toute la journée de samedi, trois tables rondes qui seront diffusées ensuite sur France Culture.